Pour la fête de la musique, Skyrock t'offre 2 heures de mix dans Rail Suprême. C'est la fête de la musique. DJ Case t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. DJ Case en mode fête de la musique, c'est Rail Suprême sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bienvenue en ce dimanche soir particulier. Particulier, ouais. Puisque c'est DJ Case, ça c'est une habitude. Rail Suprême aussi, mais c'est la fête de la musique. C'est la fête de la musique, ouais. Bon, en même temps, chez nous, c'est un peu la fête de la musique tout le temps. Hein, tout le temps. Mais c'est une date importante, les gens sont dans la rue en train de faire la fête, dans c'est des petits bars, en train de se balader aussi en voiture. Et nous, on fait la fête à Skyrock. Et nous, on fait la fête ici. Il y en a d'autres qui sont aussi à la maison, puisqu'il y a le ramadan aussi, on reste en famille. Eh oui. Et on va pouvoir en profiter pour tout le monde. Mais il y a du bonus ce soir. Voilà, du bonus, puisque là, c'est non pas une. Mais 2 heures. 2 heures, ouais. Deux heures hors taxe. Mix. 2 heures hors taxe. Ouais. Par DJ Case, ça va bien, Case? Très très bien. Je t'ai même pas demandé tout à bien. En méga forme, l'album se porte très très bien, c'est bien accueilli, on est content. Bon, donc je remercie tout le public qui l'a acheté. On a fait une énorme émission la semaine dernière, les gens ils ont kiffé. Et voilà, malgré qu'il y en a qui passent le bac et que je leur souhaite d'ailleurs bon courage, bonne chance pour tout ça et pour aussi ceux qui passent le ramadan. Mais on est là, nous, on va leur mettre 2 heures de mix de fou. Et bah, c'est le coup d'envoi, non? Je crois. Et bah, on y va. Allez, c'est parti. Allez, coup d'envoi, DJ Case, 2 heures de mix avec DJ Case pour Rail Suprême. Go! Ouais, je suis Sama, ça dit quoi? Tu vas où c'était? Ça dit, frère, attends, bah moi je vais au Maroc, hein. Toi tu vas où? Ah ouais, moi je vais en Algérie, en Kabylie, tu connais. Ah ouais, mais attends, y'a un problème là. On traîne toute l'année ensemble, on va faire comment? Ah ouais, tu sais quoi? Viens, on va en Tunisie. Vas-y, vas-y, lourd. Mais attends, là y'a un deuxième problème. T'as de l'argent pour l'essence? Ah ouais, mais c'est la hasse, gros, j'ai 10 euros. Quoi? Va attendre. Faites la musique sur Skyrock avec Rail Suprême de minuit à 2h. Minuit 2h, DJ Case en mode fête de la musique, c'est Rail Suprême sur Skyrock. Algérien, j'ai le drapeau facile. DJ Case au platine pour la fête de la musique sur Skyrock dans Rail Suprême.

Fête de la musique, Skyrock t'offre 2 heures de mix dans Rail Suprême. Suprême, spéciale fête de la musique sur Skyrock.

faites la musique sur Skyrock avec Rai Suprême de minuit à 2h. صورين سوفلي كابر نابوليطانو لك رهنا يقاري خلي العديان يقولوا لحقوني لداري خويا دلغاشي مالو دنيا قراتني بل العديان يبانو صورين سوفلي كابر نابوليطانو لك رهنا يقاري خلي العديان يقولوا لحقوني Rai Suprême, Rai Suprême, spéciale fête de la musique sur Skyrock. Rien à foutre, juste nous mets comme mes petits sous le casque. Ils me calcule pas, je suis bourré. Toi et moi, c'est pas pareil. Ils sont toujours en bande, dans la poche le crâne. Putain, putain, t'as mis ça tout bande, bande d'arrêt. Juste nous nez, j'ai du mal à dire mort. Amor, tout dans le game, j'arrive, ils ont la mort. Ici, c'est le 13. Poteau, j'arrive qu'à tous les ganter. Dans le rap, y'a trop de victimes qui jouent les brigantés. Chicha, papicha, allume le bon char. Chicha, papicha, allume le bon char. Un peu de weed dans un bocal, que du V12. Chicha, papicha, allume le bon char. Un peu de weed dans un bocal, que du V12, que du char. On veut du cash, on cache la tête vleille. Sous une jarte, sur le boulevard. En marche arrière, en gros BM. Au-dessus des lois, au-dessus du game. On passe et parle pour moi. Laisse la du cambouis sur les mains, j'viens te réparer une courroie. Baby, habibi. J'ai les idées en place, parfois je dérape. Trop de changement d'humeur dans mes attitudes. J'suis sur les nerfs, c'est dans mes habitudes. J'irai bien faire un tour dans la ville, me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit enjaille toi. J'suis perturbée, j'm'évade dans mes pensées. J'suis trop préoccupée, j'suis comme ça. Écoute ce son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Écoute ce son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Je ne tire pas sur ma chicha, surtout si t'as les dents jaunes. On est là pour la déconne, on sera pas tous les jours jeune. Toi t'es là, t'es sérieux, mais tu passes une soirée chaude. Mini les portes du rail, ma cité a déjà craqué. On move sur du rail avec des gonzes et ça croqué. Si les keufs nous écoutent, faut surtout pas paniquer. Quand je parle de tuyaux au charbon, c'est pas pour braquer. Elle a souffert pour te plaire, respecte la mise. Les traces sur son bras, c'est le fer d'un délice. Talons aiguilles, team grosse cuisse. Elle a un bac plus maroc, bête de vie. J'ai refusé des trios avec des jolies femmes. Faut pas non plus abuser, je veux sauver mon âme. Nage et âme. Rai Suprême, spécial fête de la musique avec Fred et DJ K sur Skyrock. Yeah, on a party à l'Oxo. Yeah, on a party à l'Oxo. On me dit en train de prendre à l'Oxo. We are not to me. Yeah, yeah, on a party à l'Oxo. Yeah, on a party à l'Oxo. On me dit en train de prendre à l'Oxo. We are not to me. C'est le temps, comme ça on a fait des galons de bébé. Tu fais le plus de galons, ma bobe, tout est de hand. Le pied sale, tu gagnes ta bosse blanche. On a des galons, tu es sale, tu gagnes. Double, C'est la fête de la musique. DJ Kaist ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Ou bien ton collège. Ou bien ton collège. Y'a bien, ou bien ton collège. Bordé. Ou bien ton collège. Bien ton collège. Ou bien ton collège. Quoi. Memma wo nipe bi embu wa bomfia ahop promo ye nyina bo huntia oyɛ wo tam fo ja no manimbia ye mbu amu amunsi na bompia sa wo be mu ane o me nyina edi na na nya me ni awa kanu ne bebe mu sa wo ma usa swa bi boni na tutu so my body don't lose god kan wa ko ma doya everybody sing it, hallelujah hallelujah Tu voulais des hommes à profusion. Tu voulais des femmes d'Afrique et d'Occident. Mais la la la la la, c'est la confusion. C'était un chapitre, et pour toi moi j'étais un livre. Je t'ai vu dans les bras de ce mec au RSA, tu priais pour que je te délivre. On me soupçonne d'être un 6 gros. Je ne regarde pas les prix mais les logos trop chaud. Je vois que tu fais l'appel, que tu calcules pas, mais à la fin tu veux mon bigot. Elle me dit je t'aime, je lui réponds je t'aime bien. Si l'amour est aveugle on va tout droit dans un ravin. À la tombée de la nuit je t'ai plus en place. À la tombée de tes seins je vois que le temps passe. Si vous voulez des à profusion. Pour la fête de la musique, Rail Suprême exceptionnel sur Skyrock. Demande à Scalpovic, trop de lusty. J'kick sa deux spies, prends mon yébi. Tu veux du swag, il te montre ce truc qui fait que soudain tu te démarques. On se fait pas remarquer, on est remarquable. Faut le dire, personne nous rattrape. Swag et même on te stie, j'reste. Fais ça, merci, passons. Trop de compliments, pourtant j'allais juste pisser. J'ai tissé ma toile comme piqué. L'expliquer, c'est trop compliqué. Être chic, c'est pas l'échec, les caisses, tu perds la tête. Mais on s'est quitté. T'aimerais nous côtoyer, t'es sur la liste rouge. Sur la piste, tu bouges, mais t'as pas trop la louche. Ok, ok, t'as des loups, mais t'as pas le level. T'as mis un heavy, putain. Je sais pas d'avoir ta sape, la sape ou bien ta marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du swag. Du swag, baby, du swag. Ça fait pas comme un spoil. Ça prend des piges et des piges. Les meufs serrés des gars, et ça, la night. Les soirées de samedi soir, quelques fois samedi soir. Pour quelques billets de sang, ça part en JP. Allez, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, faites la musique sur Skyrock avec Rail Suprême de minuit à 2h. J'avoue, y'en a qui font. Comme on a l'air. Il est minuit sur ma toquante. J'gagne. galère. Les gars se demandent où ils vont brûler un mois de salaire. Ça cause de boules, de bad bitch, ça va me plaire. Laisse les bras pit spike pour un bout d'air. Je file comme une étoile pour me payer ça fonce. Chercher la fuck et m'équiper de ma course. Fini l'époque des guerres face au physio. Au platine y'a gay. J'ai un enfant de la fin comme James Brown. J'ai les jambes en feu. Le doigt en l'air, le pas qui glisse, c'est trop mille. Je suis à déguster, je suis à croquer. Chaud à l'intérieur, appelle-moi moelleux. Suis-nous sur la piste, c'est simple, tête des petits pas. Un petit cercle en dessous de la boule à facettes. Jamais sous tease avec mes yeux de shiny. Cherche pas la kiffin dans le ghetto, c'est la suite. Après j'avoue y'en a qui pensent jusqu'au bout de la night. Parfois t'as pas l'envie de sortir t'amuser mais tes bottes te t'engrènent. Alors tu te laisses tenter et tu sais dorénavant qu'à la fin t'auras la migraine. Mais ça vaut le coup donc tu t'emballes pas ambiance caliente. Oh, tu peux même te mettre à lâcher de trois petits pas de salsa. Beaucoup trop nostalgie c'est clair j'ai la funk en moi. Trop style trop de classe c'est la secla. J'ai sorti le 3 quarts il est sous le bras. Sinon j'suis avec tout le quartier ne me saoule pas. J'ai emporté, j'ai la hookah. Demain je m'arrête pas comme AP et Rimka. DJ Case, vas-y, lâche les décibels. On est là, on bouge pas comme le visage d'un fan. Je suis dans le club, y'a des sons que je kiffe pas trop. Mais j'aime dans l'ambiance. A la base, la funk, c'est pas ma canne. J'essaie de suivre le mouvement. Je me contrôle pas sur la piste. Tout le monde est dans son délire. Y'a même des gens chelous. Et je profite jusqu'à la fin. Après j'avoue, y'en a qui direction où je tape, sur la file de droite, je suis pas pressé, je suis en cansva. Je m'arrête tranquille sur une aire de repos. Titi chance, très bien, petit dodo. Sur un fond, DJ Case, à l'aise. Je vois tous les jeunes de France sont devenus balèzes. Pas dans la concurrence, j'ai passé l'âge. Et les mecs, laissez-moi prendre de l'âge. J'ai passé la frontière, je suis en Espagne. Le plus dur à faire, traverser leurs montagnes. Que des portes bagages à perte de vue. Tu retrouves vite le chemin si t'es perdu. Pour rester éveillé, enchaîne les rêves plus. On chante tous en cœur, frère, on est dans notre bulle. Arrivé, prends le bateau, je vois que t'es marocain. J'en ai l'odeur du bled, ça y est, je suis bien. DJ Case t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. C'est Rail Suprême le dimanche soir et c'est 2 heures de mix ce soir pour cette fête de la musique avec DJ Case. C'est ça. Bon, on a déjà eu une bonne première session. Ah oui, là, c'est pas fini d'ailleurs. Non, c'est pas fini. Il y a quoi? Il y a nouveauté encore au programme? Bien sûr, il y a de la nouveauté. Là, je suis en méga forme ce soir. C'est Rail Suprême, mais c'est aussi les musiques festives, que ça soit reggaeton, latino, afro, hip-hop. On met de tout ce soir. Vous allez pouvoir passer une bonne soirée sur Skyrock. Tiens, il y a Ice qui vient d'arriver. Ice LMC est là parmi nous. Rail Suprême. Ça va bien? Ouais, ça va, Fred. Hein, tu connais. Hein, toujours la forme, la pêche. On est là. Vendredi 4 septembre, ça va sortir. Aïe, Ice. Un petit point quand même sur ce que tu faisais ces derniers temps. Ouais, là, j'ai posé sur justement l'album à DJ Case qui s'appelle Paris Oran New York 2015. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Éclatez-vous bien, profitez. Ah ouais, c'est la fête de la musique, c'est la fête de tous les styles de musique. Et on est reparti dans un instant, bougez pas. Rail Suprême, spécial fête de la musique avec Fred et DJ Case sur Skyrock. Un freestyle pour tous mes locos, toutes mes locas. C'est cadeau pour vous. C'est le retour du Bico Loco. Yeah, yeah. Trop fort pour

Case t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Bara bara bara, bere bere bere. Bara bara bara, bere bere bere bere. Bara bara bara, bere bere bere. É Alex Ferrari fazendo bara bere. Bara bara bara, bere bere bere. Bara bara bara, bere bere bere bere. Bara bara bara, bere bere bere. É Alex Ferrari fazendo bara bere. Pour la fête de la musique, Skyrock t'offre 2 heures de mix dans Rail Suprême. Madame, monsieur, il faut avancer. Mademoiselle, je ne me laisse pas aller là. Il faut avancer, pas ni problème, ça qu'a marché. Il faut avancer, haroua, haroua, ça t'es seul mec. Il faut avancer. Quoi qu'il arrive, on recule pas. Ils parlent sur moi, je les calcule pas. Souris-moi, ça me tue pas. Tu sors de Panama ou Calcutta. Spéciale fête de la musique avec Fred et DJ K sur Skyrock. Case ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Je fume des grosses par chemise, il me reste le stick, je fais. J'ai fait un rêve 38 ans, je disais au patron, je gagne. J'ai sorti mon calé, j'entends à rader, ça finit au palais. Famille

fête de la musique. DJ Kaist ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. L'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau. Spéciale fête de la musique sur Skyrock. Suprême de minuit à 2h. DJ Kaist ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Jamais.

face. The undisputed voice of the club speaking to you right now. Fat Man Scoop with my man DJ K's R&B, DJ K's Hip Hop, DJ K's House Tracks, DJ K's Number One, Fat Man Scoop, DJ K's. Let's go. Paris. Rise Supreme, spéciale fête de la musique avec Fred et DJ K sur Skyrock. Pour la fête de la musique sur Skyrock, dans Rise Supreme. Skyrock, Rise Supreme. اوكي خاطر تيرمان spécial fête de la musique avec Fred et DJ Case sur Skyrock. Rail suprême, et c'est la fin, Case. Eh oui, tout a une fin. On a pu quand même en profiter ce soir pendant deux heures. Ah oui, on a bien profité. Je rappelle que mon album Paris en New York 2015, il est dans les bacs. Voilà, merci à tous ceux qui l'ont acheté, ceux qui l'ont pas encore. C'est un produit indispensable pour l'été. Ça fait plaisir. Et bonne chance aux bacheliers. Ouais. Futurs bacheliers. Ouais, avec courage à vous tous, tous ceux qui passent des examens en ce moment. Il y a le son, il y a Paris Oran New York pour vous mettre bien aussi, pour vous détendre. C'est ça. En deux, trois examens. Et dans quelques heures, pour ceux qui jeûnent, c'est dans quelques heures. Voilà, c'est dans pas très longtemps. Voilà, donc profitez-en. C'est ça. Remplissez-vous le ventre. Et le son de Rail Suprême revient dans une semaine, Case. Tu seras là la semaine prochaine. Bien sûr, bien évidemment. À pas louper. Merci, Case. Merci à vous tous d'avoir suivi cette fête de la musique sur Skyrock. Rap R&B non-stop. C'est reparti. Ciao. Skyrock Radio. Non-stop. Here we go. Non-stop. Skyrock.